l'écho de ton souffle, ton regard, ta voix. Je t'en prie, reste avec moi. Je te veux dans mes bras. T'embrasser, t'aimer chaque seconde pour l'éternité. Quand tu t'en vas, le ciel se voile. Toutes les couleurs sont pâles. Les fleurs de mon corps se fanent. Reste avec moi. Les fleurs de mon corps se fanent.